que voilà, faut que pas marcher à cheval sur un arbre. Non, pas du tout. Alors, faut prévenir-moi à l'avance s'il y a un événement, un assouvissement physique. Et je pense que les changements vont être, tu vois, je les attends un petit peu avec appréhension. Le changement de sol, le changement de... J'ai l'impression que je vais me prendre quelque chose dans les genoux. Si tu peux y aller, c'est on vrai est là pour vérifier. Allez, je te fais confiance. Je suis plus en confiance, j'ai commencé à stabiliser un peu le oreiller interne. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, il y a une dalle là. Bouger sous mon pied. Ça te surprend les variations du sol comme ça? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Dès qu'il y a une petite bosse, là, on la sent vraiment. Tout droit. Ouais. Ça a l'air compliqué, tout droit, ça me plaît. Ah, il y a de l'herbe. Un ça petit monte. Peu à droite ou un tout petit peu à gauche? On rentre dans un espace vert, ça c'est clair. Enfin, dans un petit parc. Ça sort pas. Des graviers, de l'herbe. Là, c'est étrange, même sol. Ça me pensait là où on était parti. Il y avait une petite butte, on était monté comme ça dans les arbres, mais il faut pas que je me représente quelque chose que j'ai vécu, peut-être. Parce que... Ah, mais du coup, là, tu sens quoi, tu disais le sol? Ah, bah, j'ai vu de la terre, puis là, des graviers. Donc, on sent toutes les aspérités, je les sens toutes. Là. Ouais. Pas tant que ça finalement, mais j'ai tout pris au sol, quoi. Toute ma stabilité se base sur le. Enfin, je sens vraiment sous les pieds, quoi, tout ce qui touche le VTT. T'as l'impression qu'il y a un sens qui est plus activé que les autres? Ouais, vraiment le toucher sous les pieds là, ça a été flagrant pour moi. Puis maintenant l'oiseau, du coup j'ai envie d'aller tout droit parce que j'ai un oiseau de chaque côté, donc ils me disent en gros va pas à droite parce qu'il y a un arbre, va pas à gauche, il y a un arbre, va tout droit. C'est marrant, je n'ai pas du tout la représentation de mon vélo. C'est marrant, on a vraiment l'impression qu'elle est sur un chemin de campagne. Pour... Alors là, il y a deux grosses pierres, donc pas tout de suite. Je vais monter dessus et je vais te. Tu la sens? Voilà, voilà, vas-y, touche-la, mais tu veux la toucher. Regarde, là, non, ne touche pas. Je ne pas savoir ce qu'il y avait dessus. Non, non. Ah, là, il y a des feuilles. Alors là, donc l'escalier se trouve en face de toi, dans trois pas à peu près. Je m'attendais à plus être plus surpris en montant. À part le vent, j'ai pas ressenti, enfin l'air, j'ai pas ressenti grand-chose. Je sais pas du tout où on est parce qu'il y a des escaliers en dur, mais en même temps on est tout de suite dans l'herbe là au-dessus des escaliers. Ça n'a pas de sens. Là tu sens l'herbe. Ouais, je sens des présences proches comme des herbes, mais c'est parce que peut-être j'en ai touché un tout à l'heure. Là je sens du mou entre de l'herbe et des bouchons de liège. Je sais pas trop ce que c'est, mais. Terre, herbe, on sait pas trop sur quoi on marche. Une herbe un peu boueuse. Plutôt mou. Plutôt mou, oui. Pas désagréable. Bon, là, on est complètement à l'aise par rapport au départ. Hein. À l'aise? Ouais, là, on marche 2 heures, là, sans problème. T'as pris ma confiance, du coup? Ouais, là, j'ai pris confiance complètement. Là, le départ était vraiment chaotique. Ouais. Et là, on est plus à l'aise. Du coup, on est presque en sécurité. Et ça continue. Alors, on arrive sur le dur, ça y est. T'as senti un changement de sol? Ouais. Il est plus. C'est pas pourtant du béton parce que ça glisse un peu. On dirait que c'est pas le même. Peut-être que c'est juste la marche qui m'a donné la sensation d'eux.